monsieur la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez, le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Une, deux. Un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Une, deux. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme. Avancez, partez de là. Une, deux, remettez-vous. Redoublez, une, deux. Un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde. En garde, en garde. En garde, en garde, en garde. Des merveilles! Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon, dont un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute, n'invitez-vous pas à la démonstration. Oui. Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique... Ah oh, bah tout bon, monsieur le tireur d'armes, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Oh, voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Oh, monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Doudou, vous dis-je. Comment, petit impertinent? Et mon maître d'armes? Mais comment, grand cheval de carrosse? Et mon maître à danser? Si je me jette sur vous, doucement. Si je mets sur vous la main, tout beau, je vous étreillerai d'un air. Je vous resserai d'une manière. Je vous prie. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Mon Dieu, arrêtez-vous! Que